Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Vanessa Caillot. Salut Vanessa, comment tu vas ? Salut, très bien, et toi ? Ça va super, merci. Et merci d'avoir accepté l'invitation. Ben, merci de m'avoir invité. Ah ben, c'est normal, ça me tenait à cœur. Je savais que toi, tu tournais pas mal avec la scène depuis un moment. On avait joué ensemble à l'époque au Sonar. Hein, oh là là, ça ne nous rajeunit pas, ça ne nous rajeunit pas, Sofiane. Ça ne nous rajeunit pas, voilà. Je ne dirai pas ça fait combien d'années, voilà. Ouais, mais en tout cas, bien 4-5 ans, C'est bien possible, je dirais bien 5 ans, je pense. Ouais, 5 ans. Ouais, 5 ans, c'est possible. Et donc, j'avais découvert ton univers de feignasse hyperactive, j'avais beaucoup aimé. Merci. Et je me suis dit justement qu'une feignasse hyperactive devait avoir des anecdotes de malade. Bah écoute, plein en fait. Au début, je me suis dit, oh mon Dieu, et puis en fait, on en a tellement que parfois, je pense même que je vais raccrocher, je vais dire, oh merde, mais j'aurais dû raconter ça, c'était encore mieux, c'est sûr. Mais oui, alors tu veux qu'on commence maintenant, là, direct, comme ça, on y va ? Vas-y, moi je te laisse vraiment, c'est brut de pomme, tu le dis comme tu le sens, et puis voilà quoi. Et tu m'arrêtes si je suis trop longue, hein, parce que moi je peux te raconter des anecdotes pendant une heure et demie, c'est possible, hein, Sofiane. Donc vraiment, tu m'arrêtes. Je ne t'arrêterai pas, Vanessa, je ne t'arrêterai mais pas. Mais si, je te demande de m'arrêter. Non, si, alors l'anecdote à laquelle j'ai pensé en premier, c'est parce qu'elle est énorme. Pour moi, c'est énorme et pour Guillaume aussi. C'était avec Guillaume Batz. Je ne sais pas s'il est déjà venu en ton émission ou pas. Je l'ai invité pour le podcast. J'attends son retour. Ah, bah voilà. Et en fait, on était à Avignon 2019, le dernier festival d'Avignon qu'on a pu faire, du coup. Non, c'était pas en 2019. Qu'est-ce que je raconte ? C'était en 2017. Hein, je commence vraiment à raconter. Ouais, c'était en 2017. Et on était dans la même salle, mais je jouais juste après lui. Et à Avignon, pour expliquer aux gens, ça s'enchaîne, les spectacles, on n'a pas trop de temps, c'est très chronométré, donc tu te croises pendant 10 minutes dans les loges, bonjour, comment tu vas, comment ça s'est passé, blablabla, puis après t'enchaînes et c'est parti quoi. Et moi à chaque fois je croisais Guillaume donc, dans la loge, il avait fini, il se rhabillait, moi je me préparais, tout ça, voilà. Et là j'arrive dans la loge et il n'y a pas de Guillaume quoi. Et je me dis, waouh, il a terminé plus tôt que d'habitude, parfois le spectacle est plus court parce que voilà, soit on va plus vite, parfois c'est plus long, enfin, tu vois ce que c'est. Et donc là, je ne vois pas de Guillaume, je dis, tiens, Guillaume a déjà fini, il s'est déjà barré, ok, super. Et puis, il y avait des gens avec moi et je leur faisais visiter, on était trois, donc j'avais deux personnes avec moi, et je leur faisais visiter la loge pour leur montrer, voilà, c'est la loge. Je dis, cool, Guillaume a fini, donc venez voir le plateau, la scène, voir comment ça fait de la scène, de voir la salle et tout. Et puis donc me voilà donc débarquant sur scène avec deux personnes, donc à trois, en disant « Et voilà, donc là, c'est le plateau !» Sauf que Guillaume n'avait pas du tout fini de jouer. Au contraire, il n'était pas plus court, il était plus long que d'habitude. Et donc, je débarque en plein spectacle de Guillaume avec deux pélos, on était trois pélos sur la scène, en plein spectacle. Lui, il me regarde genre, mais qu'est-ce qui se passe ? Et moi aussi, du coup, ça m'est tombé dessus d'un coup. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi il est là, quoi ? Alors qu'il était en plein spectacle. En plus, moment d'émotion, Guillaume, il a un moment d'émotion en son spectacle. En plein, dans le moment d'émotion, on débarque. Et alors là, donc, c'est la scène ! Et moi, t'as pété le truc, quoi. J'ai pété le moment d'émotion. Lui, m'a regardé, genre, mais qu'est-ce qui se passe ? Et moi, je regarde, je fais, mais qu'est-ce que tu fais là, genre ? Je joue, ok ? Le malaise, j'étais trop mal. J'ai fait vite, genre, reculons. Me suis sentie trop mal. Attends, mais en plus, j'étais tellement persuadée qu'il n'était pas là. Mais non, mais je me suis sentie trop mal, mais laisse tomber. Et les spectateurs ont dû croire que c'était un happening, quoi. Bah, les gens ont dû se dire, mais qu'est-ce qu'elle fout ? Ils n'ont pas compris. Je pense qu'il allait me chambrer derrière. Il a dit, oui, alors c'est Caillot qui joue derrière, qui a dû se gourer ou je ne sais pas quoi. Je ne sais plus ce qu'il leur a sorti. Mais bon, Avignon, c'est détente et tout, ils ont dû rigoler, machin. Mais moi, je me sentais trop mal. Mais je dis, mais Guillaume, je suis désolée. Il m'a dit, non, mais alors toi, franchement, mais mort de rire. Il me dit, moi, j'attends l'Olympia, comme ça, je débarquerai en plein pendant ton Olympia. Ça sera plus fun. Et puis franchement, en plein dans le spectacle, mais mort de rire. J'avoue que casser un moment d'émotion dans une petite salle à Avignon, ça équivaut à casser le spectacle de Vanessa Caillot à l'Olympia. J'avoue. Non, mais franchement, avec deux personnes comme ça, je visite les lieux, quoi. Genre, je fais visiter. Franchement. Et là, à chaque fois qu'on se croise, on se rappelle de ce truc. Ouais. Et il me chambre. Donc ça, c'est la grosse anecdote malaise où j'ai pété le spectacle d'un copain, le moment d'émotion d'un copain. Il ne s'est jamais vengé, il débarque après ou... Non, parce que comme il est très drôle, de toute façon, ça n'a pas grand-chose. Enfin, les gens, évidemment, ils sont marrés. Donc ça, je pense que ça a même rajouté un petit truc drôle. Mais mais il me l'a rappelé en mode... on se connaît bien, Guillaume, on a commencé ensemble et tout ça. Donc, heureusement, d'accord. Il sait très bien que, il m'aime bien, je l'aime bien. Il me connaît, hein, il sait évidemment que j'ai pas fait exprès. Ah, mais un jour. Totalement... Ah, c'était totalement involontaire. Ah bah évidemment, tu peux pas l'inventer là. Et, mais il va se venger un jour, j'attends. Mais gentiment, pour faire marrer. Mais voilà, donc c'est là, l'anecdote Avignon avec Guillaume Batz. Ah là là, t'en veux d'autres ou pas? On enchaîne comme ça là, on y va? Mais moi je suis chaud, vas-y, balance, balance. Alors moi, c'est ce qui me met, j'en garde d'autres les plus grosses pour la fin là, mais j'en ai d'autres petites entre les deux. C'est ouais. Les gens, tu sais, en fait, qui se sentent proches de toi parce que tu parles, dans ton spectacle, tu parles un, pas de toi, mais un peu quand même. Et du coup, ils se sentent super proches de toi. Et à la fin, ils te racontent, je ne sais pas si c'était déjà arrivé, leurs problèmes. Leur vie, ouais. Leurs problèmes est vachement. Et parfois, moi, il y en a une, elle me chuchote à l'oreille ses problèmes. Elle m'a dit, oh, merci beaucoup, vous m'avez fait rire. Parce que là, et là, elle te raconte tout son truc, son divorce, ou elle a perdu son mari, ou elle a machin. Et toi, tu es là, oui, d'accord, c'est chaud. Et après, comme elle voit que tu es dans l'écoute, disent oui, donc voilà. Ou même qu'ils te prennent dans leurs bras, ou qu'ils te tapent la bise. Et une espèce de proximité qui, toi, te fait bizarre parce que tu étais dans un personnage. Et en même temps, c'est super mignon parce que c'est touchant. Et en même temps, parfois, ça t'envahit. Toi, tu sors de scène et ils te donnent leur truc perso et tu le reçois. Enfin, tu sais, parfois, c'est violent ce qu'ils te racontent, les gens. Donc, c'est chaud à gérer, quoi. En fait, ils s'identifient à toi, quoi. Bah ouais, et en même temps, c'est touchant. Mais en même temps, tu dis waouh. Oui, enfin, c'est déstabilisant, je trouve. Et là où c'était le plus drôle, c'était à Marseille. Le public marseillais m'a fait marrer parce que Marseille, soit ils sont froids à mort, soit ils sont survoltés. Et j'avais fait 3 dates là-bas. Et la première, bon, le premier soir, c'était sympa, mais pas ouf, quoi. Enfin, pas le bien une date normale, petit, quoi. Pas ambiance de dingue, machin. Et le lendemain, alors là, pour le coup, j'ai des chopés. Ils étaient déchaînés. Et à la fin, les Marseillais, ils te prennent dans leurs bras. Et alors là, ils te tapent dans le dos. T'es leur meilleur pote. Et vraiment, ça a été... J'avais jamais vu ça, quoi. Le côté, bon, on te kiffe, quoi. On va en parler à tout Marseille. C'est bon, demain, ta salle est pleine. Effectivement, la salle était pleine le lendemain. Mais et ça m'avait fait rire, ce truc de... On te jauge. Et puis alors après, c'est le truc tout ou rien, quoi. Un peu. Et ça, c'était... Ça m'avait fait Marseille pour ça, ça m'avait marqué. Bah, quelque part, t'as l'impression que c'est la vérité, quoi. Je veux dire, c'est la sincérité du public. C'est genre, si on t'aime pas, on va pas te faire croire qu'on t'aime. Ouais, voilà. Ouais. Et si on t'aime, on va pas faire semblant qu'on t'aime pas. Voilà. Quoi. Ah ouais, si on t'aime, on t'aime, quoi. C'est après, c'est expressif, quoi. Donc du coup, c'est trop sympa, quoi. Ça m'avait fait. J'ai un souvenir de Marseille comme ça, très cool. Alors après, en autre anecdote. Les nanas aussi. Moi, j'ai des passages où je parle de mon fils et tout, et je fais un jeu. C'est pas, tu vois, je raconte les moments où ton enfant t'en peut plus, où tu craques. Tu sais, enfin, moi, ce qui me fait rire, c'est les moments de craquage. Genre, tu fais les devoirs avec ton môme et tu pètes un câble, ou ton gamin quand tu lui dis de faire des trucs et tout ce qu'il y a à faire. Enfin, la vie de mère de famille débordée, mais évidemment, t'exagères. Tu dis que ton môme, je dis des trucs atroces, machin. Évidemment, que je pense pas. C'est dans un personnage. Et après, tu as des vraies mères de famille qui viennent te dire qu'elles n'en peuvent plus de leur môme et que c'est des cons. Et toi, tu es là, non, mais moi, je l'aime, mon enfant. C'est vraiment pour rire, quoi. Et qui sont là, ouais, les mômes, c'est vraiment des merdes. Non, en fait, j'aime les enfants, en fait. D'accord, et toi, tu es là. Ouais, ils ont pris ton personnage au premier degré, quoi. Ouais, voilà, et qui se défoulent. Mais après, c'est aussi, parfois, tu as besoin d'un exutoire et qui disent, enfin, elle nous autorise à dire que parfois, bah, c'est... et c'est vrai, parfois, tu n'en peux plus, ton môme. Évidemment que tu l'aimes et tout ça, mais parfois t'en peux plus, mais t'en as, parfois t'es là, oui, on va pas se lâcher non plus trop parce que là ça fait beaucoup. T'en as, tu sens que vraiment c'est beaucoup, beaucoup, quoi. Oui, oui, tu et sens donc, que la limite entre le je l'aime et l'infanticide, elle est pas très, très. Ouais, tu vois. Exactement. Alors parfois, évidemment, quand ils disent ah, ça fait du bien, vous dites tout haut ce qu'on pense tout bas et tout ça, et donc ça c'est déculpabilisant et tout, donc là il n'y a pas de souci, mais parfois certaines, ouais, tu te dis on n'est pas loin de l'infanticide, calme-toi là, non? Est-ce que je le signale? Donc ça c'était chaud. Après, en anecdote un peu hors du commun, j'ai j'ai joué au Splendid en 2017-2018. Et c'était trop cool et tout. Et en fait, un soir, il y a l'équipe qui vient me voir après le spectacle et qui me dit, bah, on est obligé de nettoyer la scène. Il y a un mec qui a vomi pendant le spectacle. C'est-à-dire, tu l'as tellement fait rire qu'il a vomi. J'ai tellement fait rire qu'il a vomi de rire. Bon, c'est ce que je préfère dire ça plutôt que dire qu'il était peut-être malade. Je ne sais pas. Il était peut-être malade. Ça, je ne sais pas. En fait, je n'ai pas eu le fin mot de l'histoire, mais en tout cas, il y a un mec qui a vomi pendant le spectacle à côté dans l'allée Enfin, il était au bord de, il était sur un siège du bord de l'allée. Donc, heureusement, il n'a pas vomi au milieu de tout le monde. Ouais, mais ouais. A priori, il a vomi. Il a continué le spectacle tranquillou, je crois. Et ils n'ont vu qu'à la fin. Enfin, je crois qu'ils n'ont vu qu'à la fin. Il n'y a pas du tout eu évacuation pendant, quoi. Eh bien, écoute, si mes souvenirs sont bons, tu n'es que la deuxième personne qui me dit que quelqu'un a vomi à son spectacle. La première, c'était Constance. C'était, ouais. C'était dans les premiers épisodes. Et d'ailleurs, c'est l'épisode le plus court du podcast. Il ne fait que 43 secondes. Et elle m'a raconté qu'au Casino de Paris, une spectatrice qui avait une gastro-entérite avait vomi dans son sac à main. Et elle m'avait dit, moi, je fais vomir. Elle m'avait dit, moi, je fais vomir les gens de rire. Tu veux faire quoi, toi? Tu vois? Donc, c'est quand même balèze. Et ce que j'aime bien, c'est que j'ai l'impression que ça vous lie quelque part. Je ne sais pas si tu as déjà joué avec elle. Non, mais j'aime beaucoup. Elle est géniale. Ouais, et bien, justement. La prochaine fois, tu sais, quand le podcast sortira, quand tu iras la voir, genre tu joues avec elle ou quoi, tu la regarderas, tu vois, et marque un temps et sors-lui un regard qui veut dire « moi aussi ». Moi aussi. On a un point commun, Constance. On fait vomir les gens de rire, quoi. C'est pas la classe un peu. Et dans le même ordre d'idées, j'en ai une à La Rochelle qui a fait une crise d'asthme pendant le spectacle tellement elle a ri. En fait, je m'en suis Non, mais elle n'est pas morte, hein, tout va bien. Oui, je fais aussi mourir les gens de rire. Youpi, venez, nombreux. Non, mais en fait, elle a dit, on ne s'en est pas rendu compte sur le coup. Elle est sortie, je crois. Et sur le coup, j'ai rien capté. C'est après, elle m'a envoyé un message par Facebook et elle m'a dit, j'ai tellement ri à votre spectacle que j'ai fait une crise d'asthme et que j'ai dû sortir et tout. J'étais trop... Donc voilà, je dis, est-ce que tout va bien? Oui, tout va bien. Et ça, c'était énorme. Et à La Rochelle aussi, je ne sais pas si c'était le même soir ou pas, ou c'était, en tout cas, c'était à La Rochelle aussi, une spectatrice qui m'a dit, j'ai perdu mes lentilles de rire pendant votre spectacle, j'ai perdu mes lentilles dans la salle. Oh là là là là là. Trop mignon. J'adore le public Rochelet. Ouais. Je pense qu'on peut pas faire meilleure pub pour ton spectacle que tu vois que ces trois personnes là, tu vois le mec qui a vomi, la femme qui a fait la crise d'asthme et la femme qui a perdu ses lentilles. On les met tous les trois dans un mini clip genre tu sais on montre la scène, tu sais on fait une reconstitution, tu sais. Et après à la fin genre tu sais tu as le mec qui se relève de son vomi et qui fait venez voir Vanessa Caillot. Grave, pas mal ça. Est-ce que tu penses que tu pourrais les prendre avec toi genre dans ton équipe de com? Il faudrait que je les retrouve déjà parce que du coup j'ai pas les coordonnées. Ah bah si, remarque, faudrait que je retrouve les messages et oui, et je leur demande de témoigner du truc. D'accord. Voilà, ou alors je fais une capture d'écran déjà de leur message. Ouais, c'est ouais, pas mal ouais, ça. Mais je crois que je l'avais fait ou je l'avais mis dans ma story. C'est possible que j'ai fait un truc comme ça. Alors, ça me... Oui, je pense que je l'ai fait dans ma story. Bah, après, pour le mec qui a vomi, normalement c'est facile de le retrouver parce qu'il a laissé quand même assez d'ADN. Non, mais c'est toujours au Splendide sur la moquette. Il y a tout... c'est dégueu. Quand même, t'as des trucs qui se passent dans les théâtres. Mais c'est vrai que j'avoue que le vomi, les lentilles et la crise d'asthme, c'est pas mal. Hein. Alors après, tu vois, ça me met pas mal en valeur. Si tu veux, j'ai une anecdote qui me met pas du tout en valeur pour contrebalancer un peu. Vas-y. Non, mais pour ça, c'est tu vois, j'avais une petite expérience. Donc voilà, les gens morts de rire, tout ça, ok. Mais je débutais et là, je débute et je vais jouer dans un casino dans le sud de la France. Et en fait, c'était le casino qui invitait ses meilleurs clients à il leur payait un spectacle. Sauf que c'était il y avait que des accros au jeu en gros qui avaient envie. Ils m'ont dit déjà j'arrive. Ils me disent tu t'inquiètes pas. Moi ça faisait quoi un an que je faisais du one max. Hein. Donc c'est très peu quoi. Enfin je trouve qu'au bout d'un an t'es encore vert. Ah t'es carrément vert ouais. Et en tout cas pour ma part. Et donc là, le directeur du casino, il me dit ouais, par contre, je vous préviens, il y a peut-être des gens qui vont se lever pendant le spectacle parce qu'ils vont vouloir aller jouer, parce qu'on a pas mal d'accros au jeu. Et je lui ai dit ok, ça va être sympa. Moi, j'avais pas du tout percuté ce truc. C'est pas toujours pareil dans les casinos, hein, ça dépend vraiment des casinos, mais là, c'était ça. Il fallait leur proposer une espèce de machine jackpot, tu vois, mais genre à l'effigie du spectacle, du style si t'alignes trois lentilles ou trois vomis, ça passe. Trampoline, tu sais. Ouais, j'aurais dû faire ça, je savais pas que ça allait être ça avant. J'ai pas pu anticiper le truc. Bref, dans le public, je vois très bien que c'est pas mon public tout de suite. Il y a deux nanas dans la trentaine, je vois que ça va le faire, mais il y a que deux nanas qui peuvent me correspondre. En plus, je vois très bien le public parce que il y a pas noir sale. Enfin, tu vois, c'est un peu, tu vois, c'est pas très cool de voir à fond tout le monde. Enfin, je sais pas si toi, moi j'aime bien voir les deux trois premiers rangs, puis après voir tout le monde très très bien, j'aime pas trop quoi. Moi j'aime bien en fait quand la salle est complètement dans le noir et que j'ai toutes les lumières sur la gueule, et du coup le fait que la lumière soit à fond sur moi, ça reflète un petit peu et j'arrive à voir, ouais, comme tu dis, les deux premiers rangs, tu vois. Voilà, voilà, tu vois, ça, comme ça fait une petite ambiance tamisée, tu vois pas la tête de tout le monde jusqu'au bout, c'est moins au niveau de l'ambiance, c'est plus sympa. Bref, et donc là je vois tout le monde à fond, et à un moment je joue et j'entends ronfler quoi. J'entends ronfler de ouf et je me dis mais merde. Et pendant que je joue, je cherche qui ronfle dans l'assemblée. Je cherche quelqu'un qui est en train de dormir. et je trouve personne en train de dormir. Tout le monde, personne a les yeux fermés et tout. Je ne comprends pas. Je regarde, je cherche. Et au bout d'un moment, je trouve enfin le mec qui ronfle. Donc, un mec d'un certain âge qui était genre au 3e ou 4e rang grand max et qui avait les yeux ouverts. Et je comprends qu'il dort les yeux ouverts, s'il te plaît. Attends. Déjà, il a fallu qu'il se passe tout ça. Hein. Et donc, je vois... Et il... ah non, flippant déjà. Donc, le mec ronfle les yeux ouverts. Et je suis obligée de le réveiller, dire parce que ça, il ronfle tellement fort que franchement, ça fait trop de bruit. Et donc, je dis, comme il n'y a pas une ambiance de dingo, si tu veux, ça rit, mais bon, ce n'est pas les gros rires qui couvrent le ronflement du tout, quoi. Et donc, je dis, excusez-moi, monsieur, il faut le réveiller, comment on fait, quoi ? Je dis, non, parce que là, il ronfle beaucoup trop fort. Donc, je suis obligée d'en parler, tu ne peux plus l'ignorer, le truc, c'est énorme. Donc, et donc, je suis obligée de réveiller le mec qui avait déjà les yeux ouverts, de dire, monsieur, réveillez-vous. Enfin, je ne me déplace pas, mais je demande aux gens à côté. Et là, il se réveille. Enfin, je sais plus ce qui se passe exactement, mais je lui dis, excusez-moi, mais. Vous ronflez hyper fort, quoi. Donc, c'est vraiment gênant pour le spectacle. Bah oui, si jamais tu fais semblant de ne pas avoir entendu, c'est cramé. Et c'est comme un refus d'obstacle, tu vois. Donc, les gens ne vont pas te respecter derrière. Ils vont se dire, on ne va même pas écouter le reste du spectacle. Parce qu'elle... Ah bah non, pis. Bah oui. Voilà, elle fait comme s'il n'existait pas. Ce n'est pas normal. Il faut qu'elle en parle. Bah oui, c'est ça. C'est gênant, ça mord. Si tu n'en parles pas, il faut dédramatiser le truc. Donc, après, tu dédramatises. Tu dis, alors, monsieur, on est vraiment trop fort. Il va falloir qu'on fasse quelque chose. Parce que après, ça m'est déjà arrivé, même en début, quand je jouais à la cible. Donc, il y a, oula, j'ai commencé il y a 19 ans. 9 ans. Et ça va. J'ai commencé, non, j'ai cru que tu avais dit, j'ai commencé il y a 19 ans. Non, quand même pas. Parce que tu les as enchaînés, en fait. Non. Et là, j'avais moi, en spectacle, je me suis déjà endormie pendant un spectacle que je trouvais super cool, mais que parfois, tu es crevé. Et donc, bah, t'es crevé, quoi. Donc, tu t'endors parce que t'es dans un fauteuil confortable et voilà. Et ça m'est déjà arrivé d'un mec qui s'endorme pendant mon spectacle. Donc, je ne m'étais pas formalisée parce que je sais que parfois, t'es crevé puis c'est tout. Oui, ça arrive régulièrement, tu vois, à Avignon, ça a trop marché, tout, mais à Avignon. Et régulièrement, t'as des gens qui s'endorment, ils enchaînent les spectacles, ils sont décalqués. T'en as un qui s'endort parfois dans le public, quoi. Je pense que là où c'est gênant, c'est pas quand quelqu'un s'endort dans ton spectacle ou quand toi, tu t'endors dans le spectacle d'un autre, c'est quand toi, tu t'endors pendant ton spectacle. Là, c'est chiant. Et là ça se voit vraiment. Donc, non, mais... Et donc, moi, ça m'était déjà arrivé à la cible, qui est un tout petit théâtre où un mec s'est endormi. Donc, j'ai dit, chut, on ne va pas le réveiller. Donc, tu plaisantes dessus et tout, c'est marrant. Et ce qui était très drôle, c'est qu'il y en a un. Et donc, je ne sais pas si c'est celui-là. Bon, ça n'arrive pas non plus tous les jours. On a l'impression que tout le monde s'endort à mon spectacle, quoi. Super pub. Je suis en train de m'en péter. Autant avant, c'était vendeur, autant c'est plus vendeur. Non, mais attends, à la cible, il y a un mec qui rigolait très, très fort. Et donc, j'entends quelqu'un dans le public rigoler très fort. Et d'un coup, j'entends plus rien, quoi. Et là, je me rends compte qu'il s'est endormi. Et donc, je dis rien. Et il se réveille. Et il se remet direct à rire très, très fort. Donc, le mec, il a raté genre 10 minutes de spectacle. Mais ça ne l'a pas dérangé. Oh, c'est tellement frustrant parce que tu as envie de dire, au moins, si c'est quelqu'un qui s'endort, je veux que ce soit quelqu'un qui s'ennuyait depuis le début. Non! Le mec, d'un coup, je dis merde, il rit plus. Le passage ne le fait plus. Comment il peut passer de je suis mort de rire à d'un coup, je ris plus du tout? Et donc, je regarde, c'est qu'il s'est endormi et il s'est réveillé et il s'est remis à rire comme un fou, quoi. J'ai envie de dire, en fait, que tu l'as tellement fait rire que tu lui as pompé toute son énergie, tu vois. Et il était claqué à la fin, le pauvre. Non, mais tu rigoles, mais ça fatigue de rire, en fait. Parfois, tu ne peux pas enchaîner plein de spectacles où tu rigoles. Il y a un moment où tu étais fatigué de rire. Ça, c'est clair. Moi, ça me l'a déjà fait en tant que spectatrice. Oui, mais voilà, donc, t'as mal aux côtes, un peu. T'as mal aux côtes. Bah ouais, puis même, ça, effectivement, t'envoies de l'énergie... quelque part. Et donc là, oui, non, le pire, c'était quand même le mec qui ronflait les yeux ouverts. Là, j'avoue que c'était le top du top. Et cette date, vraiment, c'est la seule date de toutes mes dates où je me suis dit, t'es payé pendant que je jouais, quoi. Parce que, non, mais je te jure, c'est pas très politiquement correct de le dire, mais c'est comme tu dis, bon, allez, va jusqu'au bout, fais le job, cale tes trucs, vas-y. Et il y a quand même deux nanas sur qui je m'appuyais qui se marraient, donc je jouais pour elles, quoi. Je me suis dit, allez, joue pour elles, elles sont contentes, elles se marrent, c'est cool. Mais vraiment, c'est des dates où toi, tu kiffes pas des masses. C'est sûr. Et où tu dis, allez, je t'ai payé. Je mets quiconque au défi de nous dire que dans son travail, il s'est jamais dit, punaise, je fais ça pour le salaire, quoi. Il y a des jours. Ouais, oui. Moi, ça m'est arrivé qu'une fois. C'est vraiment la seule fois où je me suis dit, là, où j'ai pas kiffé parce que c'était vraiment pas c'était pas le bon public. C'était pas le bon contexte, ils venaient parce qu'on leur, enfin voilà, donc ça arrive, hein, de toute façon, quand on a tous des galères d'humoriste, comme le podcast l'indique, mais celle-là, c'était la plus grosse galère, ouais. Mais je comprends. Et puis après, je pense que le fait que les gens s'endorment et tout pendant le spectacle, c'est pas grave, parce que ouais, ils sont fatigués, tout ça. En plus, c'était des gens d'un certain âge. Après, le truc, c'est que quand tu es sur scène, tu commences à jouer et tout, tu as envie que les gens s'amusent et tu te sens frustré un petit peu de te dire, punaise, mais cette personne-là, elle est venue dans ma salle et elle va même pas se souvenir du spectacle, tu vois. Bah, ça veut rien dire parce que parfois, tu as des gens, même si tu te rends compte que toi, tu dis, il faut que je les fasse rire tout le long. Tu vois, mon spectacle, je l'ai tellement bossé qu'il n'y a pas de creux où tu ris pas pendant 5 minutes. Tu ris... Enfin, c'est assez régulier, quoi. Mmh. Parce qu'on a resserré au fur et à mesure du temps. Donc, le truc est béton. Mais tu te rends compte que moi, par exemple, si je vais à un spectacle, si je me suis tapé un fou rire pendant l'heure, bah, ça me suffit, en fait. Je me dis, oh là là, tu te rappelles le moment où grosse barre de rire. Ouais, tu te rends compte qu'ils n'ont pas besoin de... Les gens, ils sont contents. Même... Donc, si le mec, il a dormi même un quart d'heure, ou même une demi-heure, si c'est tapé un fou rire pendant le truc, il sort, il est content, je pense. Ah d'accord, ok, d'accord. Bah, mais je pense en tout cas qu'il faut se déculpabiliser par rapport au fait de se dire, genre je suis payé, tu vois, parce que on s'est tous déjà dit ça. Moi, je sais que des fois, tu sais, carrément quand ça m'arrive, des fois, je vois le montant devant moi, tu sais. Je vois le montant qui clignote devant moi. Un billet dans une mallette. Non, mais... exactement. Et je joue comme ça. Et je me dis, allez, c'est pour le salaire qui va avec et tout. Parce que tu es obligé de te motiver en même temps. C'est, bah, oui. On n'est pas des machines. Parce que si on était des machines, on jouerait pareil de la même façon tout le temps. Et non, on n'est pas des machines. Donc, il y a des moments, si tu vois que le public n'est pas avec toi, qu'il n'a pas l'air de prendre de plaisir. Et bien sûr, il faut pacifier. Parce qu'il y a des fois des gens qui ne réagissent pas. Et ça, c'est sûr. Ah ouais, ils adorent le spectacle. Ça, ils viennent te voir à la fin. N'ont pas décroché un sourire et ils te font, c'était le meilleur spectacle que j'ai jamais vu de toute ma vie. Non, mais ça, c'est fou. Mais parfois, non, mais il y a des malentendus avec des publics. Je me rappelle j'ai joué à la Comédie des Boulevards et là, je fais une date, comme tu dis là. Les gens rient, mais moi, je le ressens. Je me dis, bon, ils sont chiés. Peut-être que tu es dans un délire, toi, dans ta tête. Tu dis, ok. Donc là, ils se font grave chier. Je suis en train de me taper une heure de merde. C'est nul. Ok, donc, ok, bah, va jusqu'au bout, joue. Dans ces cas-là, moi, je me mets dans le jeu, je fais mes personnages et je joue, quoi. Pour, tu vois, pour pas le vivre mal. Et je me dis, ok, bon, clairement, c'est l'horreur ce soir, c'est pas grave, allez, c'est bon. La fin du spectacle arrive, il y a une standing ovation. Les gens se lèvent. Pas pour partir, hein. Ils se lèvent, ils m'ovationnent. C'est beau. Ça m'est arrivé 3 fois, ce genre de délire, où moi, dans ma tête, je me dis, ok, la date, la pire de ma vie, c'est l'enfer, c'est l'horreur. À la fin, ils se lèvent, ça m'est arrivé 3 fois. Et je me suis dit, dans ma tête, je me dis, ok, il y avait un gros malentendu entre nous là ce soir, vraiment. Et en fait, c'est des publics parfois qui rient pas, qui rient, mais c'est pas le délire. Donc toi, tu te dis, bon, ils sont polis, c'est cool, bof. Mais en fait, ils sont dans une espèce de, ils vivent le truc différemment. Ils sont dans une espèce d'écoute. Le texte prend une autre dimension. D'ailleurs, je pense dans ces cas-là où c'est pas, parce que moi, c'est un truc où tu ris franchement normalement, où tu te marres vraiment, quoi. C'est pas le petit rire de jeu de mots ou de machin, c'est le gros rire de délire. Enfin, moi, c'est ce qui me plaît quand je vais avoir un spectacle, donc voilà. Mm-hmm. Et donc, les soirs où j'ai pas le gros rire, où les gens ont pas des gros fous rires, bah, je me dis, merde, ça marche pas trop. Et en fait... Tu restes dans ton énergie, quoi. Mais alors, par contre, je reste... il est tellement calé, là, le spectacle Fini Espératif, que si tu veux, je sais que je vais les choper à un moment donné, donc maintenant, je m'affole plus du tout, et puis... Puis là, depuis, enfin ça c'était il y a un petit moment, tu vois, c'était il y a 5 ans là, Comédie des Boulevards. Mais maintenant ça m'arrive plus parce qu'il est tellement rodé que je sais que je vais les choper, que ça va, je le connais tellement que c'est trop cool. Et surtout les dernières dates là, entre les deux confinements, les gens étaient tellement contents de venir au théâtre que ça a été des dates de malade, c'était trop bien. Tout le monde était content, moi j'étais contente de jouer, j'étais contente de venir, donc c'était trop cool. Mais non, mais ces dates là de Comédie des Boulevards, ouais, les trucs de standing ovation que je m'attendais pas, mais vraiment pas. Et inversement, parfois tu te fais des dates où tu te dis waouh, j'ai trop déchiré. Et en fait, bon, les gens à la fin, ils étaient morts de rire pendant, puis à la fin, t'as pas de retour tant que ça, quoi. Donc c'est assez. Tu te dis, d'accord. Bon, tu te dis, ils vont me dire, oh mon Dieu, c'était trop bien, là, là. Et puis en fait, ils te parlent, enfin, tu vois. Alors que toi, tu t'attends à un truc parce que tu te dis, ouais, c'est très bizarre, hein, le ressenti. Ouais, bah c'est pour ça qu'on appelle ça le spectacle vivant, vraiment, parce que c'est pas un truc figé. Ah, c'est vraiment pas, quoi. C'est totalement vivant. Ça peut être un jour un triomphe, le lendemain un bide. Tout est possible, tu vois. Mais bon. Après, quand c'est rodé, tu fais plus de bides. Les bides, c'est au début quand tu testes des spectacles, des vannes, des sketchs et tout nouveau. Je sais pas. Moi, au bout d'un moment, quand le truc est archi rodé, archi bossé, tu fais plus de bides. D'accord. C'est impossible pour moi. Bah, après, ça dépend où tu joues. Parce que, évidemment, quand les gens viennent te voir et qu'ils connaissent ton univers. Oui, et moi, tout, c'est ça. Voilà. Alors, si c'est ça, d'accord. Moi, je te parlais plus en plateau, quand tu vas dans un endroit où tu n'es pas attendu. Ah oui, ou en chicha. Tout le monde me parle des chichas. Moi, je n'en ai jamais fait. Il paraît que c'est l'enfer. La chicha, ah oui, non, moi, je l'ai fait. Je l'ai fait plusieurs fois. Et clairement, c'est très, très dur. Donc, voilà. Donc, je veux dire, je pense que quand c'est rodé, c'est parfait pour ton spectacle. Après, quand les gens viennent te voir et viennent oui, te. Oui, c'est pas la même démarche, t'as raison. Voilà, c'est ouais, pas ça. Mais par contre, quand tu vas faire une première partie pour quelqu'un, quand tu vas dans un plateau, une scène ouverte, un truc comme ouais. ça, ou quand tu vas dans une ville où les gens ne te connaissent absolument pas et qui viennent voir ton spectacle, je pense que c'est encore possible qu'il y ait ça. Mais là, toi, j'ai l'impression que tu as développé une fanbase qui te permet d'avoir que une des gens bien. Oui, oui, oui. Ben non, mais clairement, quand je vais jouer pour mon spectacle Peña Superactive, les gens viennent, ils ont envie de rigoler, l'affiche les fait marrer, le titre les fait marrer, ils me connaissent de je sais pas où. Tu vois, y a, soit c'est chronique, rire et chanson, souvent ils viennent de plein d'endroits différents, soit ils ont lu mon bouquin. Enfin, en fait, il y a plein de petits trucs qui font qu'ils viennent. Donc ça, c'est cool, là, ça remplit bien, grâce à plein de petites choses mises bout à bout, en fait. Parce que je suis pas, tu vois, je passe pas à la télé régulièrement, mais c'est un ensemble de petits trucs qui font que ça fonctionne. Donc ça, c'est cool. Et d'ailleurs, c'est toujours un peu magique, quoi. Tu te dis, oh là là, les gens sont là, quoi. Et tu fais tout pour, évidemment. Tu vois, même pour Avignon, à chaque fois, j'y suis allée donc en 2016, 2017 et 2019. En 2019, j'y suis retournée. Après, donc, j'avais fait un an de pause entre les deux. Et tu te dis, bon, je vais tout faire pour que ça marche. Mais tu sais pas si les gens vont être au rendez-vous. Tu sais jamais, vraiment. Il y a toujours une espèce de magie où tu te dis, ils viennent que pour moi, en fait. Ok, ben, waouh, ils viennent que pour... Ouais, ben, c'est fou. Il y a un petit côté magique où, évidemment, tu fais tout pour que ça arrive, mais quand ça arrive vraiment, tu te dis, waouh, c'est fou ce truc. Oui, parce qu'en fait, tu as toujours tout fait pour que ça arrive et ça prend pas, ça prend pas. Et le jour où ça prend, tu dis, ah ouais, ça a pris en fait. Ouais, bah, ouais en fait, c'est même si tu fais tout pour que ça prenne, quand ça prend, et bah, t'es quand même assez merveilleux. Quoi. Tu dis, t'as fait un truc, t'as écrit des choses, des blagues, et les gens, ils viennent écouter tes blagues et ils sont là, il y a du monde. C'est vraiment génial, quoi. Ouais. C'est un peu magique, il y a un petit côté. Même si ce n'est pas magique parce que tu as tout fait pour, donc il n'y a pas de hasard non plus. Si tu bosses, si tu fais un visuel qui est top, si tu fais de la com, si tu fais machin, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Mais quand même, il y a un facteur. Est-ce que les gens vont avoir envie de venir voir ça que tu ne maîtrises pas vraiment Tu as bossé pour ça et tu as mérité ces succès-là. Franchement, c'est cool. Et avec grand plaisir. Non, c'est vrai. Merci beaucoup, Vanessa, pour ces belles anecdotes. Et où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Alors, on peut me retrouver donc, sur ma page Instagram, Vanessa Caillot, donc K-A-Y-O. Sur Facebook aussi, j'ai une page Facebook, pareil, Vanessa Caillot. J'ai aussi un podcast qui s'appelle Un café, trois copines. Je te fais de la concurrence, Sofiane. Pas de souci. Bah, tu sais quoi, j'accepte tellement ta concurrence que je mettrai le lien dans les descriptions. Trop sympa. En plus, c'est pas vraiment de la concurrence parce que c'est pas que des humoristes que je reçois, c'est des copines autour d'un thème et on raconte aussi des anecdotes plutôt marrantes. Il faut qu'on puisse développer au maximum les podcasts et tout. Donc c'est pas, je le prends pas du tout comme de la concurrence, même si quelqu'un. C'est sûr que si quelqu'un sortait un podcast qui s'appellerait, je sais pas moi, problème d'humoriste, là j'avoue que je le prendrais un peu mal, tu vois. J'avoue que je le prendrais mal. Un peu les boules. Voilà, c'est ça. Non, si tu veux, je pense, très honnêtement, je pense que je suis le seul podcast dans lequel on parle vraiment que des anecdotes. Après, on tourne autour aussi un petit peu, mais les autres podcasts sont plus des podcasts d'interview où ils vont peut-être raconter une anecdote en plein milieu, mais voilà, c'est pas vraiment pour ça. Moi, le point de départ, c'est vraiment les anecdotes. Et puis, moi, je l'ai lancé en 2018. Donc vraiment, c'était le but dès le départ, raconter, partager nos anecdotes. Voilà. Donc, il n'y a pas de souci, on ira. Quoi. Ça. Mais exactement. Un petit peu ce qui se passe, ce qu'on se raconte dans les loges, quoi. Voilà. Ouais, c'est sympa, j'aime bien. Je mettrai le lien vers Un café, trois copines avec grand plaisir. Et donc, tu m'as dit Facebook, Instagram, tu as Twitter et YouTube. J'ai YouTube, mais j'ai ma chaîne YouTube, je ne mets pas non plus. J'en ai une, hein, Vanessa Caillot, toujours. J'ai des vidéos dessus, donc les gens ne peuvent pas les voir, tout à fait. J'ai aussi un bouquin, alors si vous avez envie de lire, qui s'appelle Journal d'une feignasse hyperactive, qui est rigolo, a priori. Hein. Écoute, je mettrai le lien vers Amazon. Ouais, voilà, exactement. Il est sur Amazon. Je le vends aussi à la fin de mon spectacle pour ceux qui viennent. Donc voilà, et c'est cool, je suis contente de ce bouquin. Super. Et puis c'est déjà pas mal, hein. On va s'arrêter là, quoi, parce qu'après, qu'est-ce que j'ai d'autre? Non, c'est officiel, peut-être. Ouais, vanessacaillot.com, il y a toutes les infos voilà, dessus. Bon. Comme ça, il y a le lien pour le bouquin, le tout, le machin, le truc. Et ben, je fais tout ça, donc je mets le lien vers ton site officiel, Facebook, Instagram et le podcast. Trop sympa, merci beaucoup. YouTube, pardon, et YouTube aussi. Voilà. YouTube, bah, tout, quoi. Ok, on fait comme ça. Super. Eh bien, parfait. Je mettrai toutes les infos dans les liens de la description. Et pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux. Donc, Sofiane Etaï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous à tous, même à toi là-bas.